a 100% francês, Express ET. Uma seleção de Ricardo de Matos. Continuação de um ótimo domingo, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do 100% francês, a terceira no formato Express ET 2010 e que é fiel a apenas um género musical por cada fim de semana. E hoje é a vez de oferecer uma emissão capaz de satisfazer até os mais céticos em relação à música em francês, pois vem uma hora só de pura pop que torna todas as músicas muito fáceis de ouvir, mesmo para quem só costuma escutar apenas os habituais sucessos internacionais. Venha daí! 100% francês, Express ET. Pop. Etienne Dao, Bleu comme toi. 1988. Thank you. 100% francês, Express-T. Pop. Jennifer, Tournez ma page. 2007. Je n'emporte rien, vraiment. Je veux vivre d'autres nuits. Je suis riche du temps. De tout ce que j'ai perdu. Je suis légère au vent. Je promets d'être sage, de laisser au cadran l'aiguille tourner ma page. On n'a pas trop de temps à faire l'amour à l'envers. Il y a tant de vent contraire. On n'a pas trop de ciel pour s'étendre sur le sujet, à rêver l'essentiel enlacé. Mais quand l'amour est là, il n'est jamais acquis. Et quand il est parti, il nous laisse des pourquoi, pourquoi, pourquoi, pourquoi, pourquoi. Je n'emporte rien, vraiment, vraiment. Je veux vivre d'autres nuits. Je suis riche du temps, du temps. De tout ce que j'ai perdu. Je suis légère au vent. Même l'hiver. Mais quand l'amour est là, il n'est jamais acquis. Et quand il est parti, il nous laisse des pourquoi, pourquoi, pourquoi, pourquoi, pourquoi. Je n'emporte rien, vraiment, vraiment. Je veux vivre d'autres nuits. Je suis riche du temps, du temps. De tout ce que j'ai perdu. Je suis légère au vent. N'importe rien, vraiment. Je veux vivre d'autres nuits. Je suis riche du temps. De tout ce que j'ai perdu. Je suis légère au vent. Je promets d'être sage, de laisser au cadran l'aiguille tourner ma page. Je n'importe rien. Au vent. 100% francês, Express-T. Pop. Pascal Obispo, Tombé pour elle. 1994. Tu es tombé du ciel, moi qui voyais le mal partout. Si l'amour est encore sur terre, rien efface les douleurs d'hier. Sans toi je n'aurais jamais pleuré. Autant de joie pour personne. Le canon qui ici sous pilotis, refuge de mes amours engloutis. Mon cœur d'éponge à la dérive, les marées ne me feront revenir. Je reste avec les étoiles de mer, les oiseaux des terres amères, et mon cœur qui se perd. Je suis tombé pour elle, je n'ai Dieu que pour elle. Ma maison m'a tout éveil. Quand mes amours prennent l'eau, nid d'oiseaux. Au-dessus des marais, je ne l'amour à perpétuité. Pour pile sur mer, arc inféré, la pointe chevaux de mer d'été. Arcachon piqué, effrayé, l'éliant, les glaces sur la jetée. Pourrait bien me manquer. Je suis tombé pour elle. Oh, je n'ai Dieu que pour elle. 100% francês, Express ET. Pop. Gaetana Brial, 68-2008. 2008. On vit toujours d'amour, mais l'eau n'est plus vraiment fraîche. On pousse la clim à fond, pendant que la terre se dessèche. On s'achète une conscience, en achetant des produits bio. On commerce équitable, nos scrupules sont au frigo. On pleure ces étoiles pâles qui se voudraient Star Express. Quand on est révolté, on envoie des SMS. Sans mobile apparent, nos consciences déconnectées n'ont qu'une seule obsession, ne plus avoir de relais. 68, il voulait changer le monde. 78, il voulait secouer le monde. 88, Wall Street, ils ont soldé notre monde. 2008, MySpace, moi j'en fais quoi de ce monde. Je veux bien, mais avec préservatif. Trop croire aux idéaux, à force, ça devient nocif. Nos illusions perdues, qui pourra les retrouver? Le cœur comme GPS, c'est l'amour pour nous guider. 68, Woodstock, il voulait changer le monde. 78, Sex Pistols, il voulait secouer le monde. 88, Wall Street, ils l'ont soldé. Johnny Rotten fait de la télé. Des jeunes loups ont les dents plombées. Voilà les leçons du passé. On a que nos yeux pour ne plus pleurer. Moi j'ai les tiens pour espérer. Et moi j'y crois encore, y'aura pas de nos futurs. Dépolluons nos têtes, l'air sera un peu plus pur. Nous sommes nos pires ennemis, continuons le combat. La plus belle des victoires, c'est de ne pas baisser les bras. 68, Woodstock, il voulait changer le monde. 78, Sex Pistols, il voulait secouer le monde. 88, Wall Street, ils l'ont soldé notre monde. 2008, MySpace, moi j'en fais quoi de ce monde. 68, Woodstock, il voulait changer le monde. 78, Sex Pistols, 100% francês, Express-T. Pop. Gilles Caplin, La Grande Malle. 1993. Francês, Express-T. Pop. Christophe Willem, Double Jeu. 2007. 100% francês, expressité. Pop. Accent Red, sensualité. 1993. Jamais je n'aurais pensé tant besoin de lui. Je me sens si envoûtée que ma maman me dit ralentis, des yeux amour, tu le sauras un jour. J'aime, j'aime tes yeux, j'aime ton odeur. Francês, expressé. Pop. Mylène Farmer, Désenchanté. 1991. Thank you. 100% francês, Express-T. Pop. Hélène Ségara, On ne dit pas. 2003. Francês, Express-T. Pop. Dorian, L'eau minérale. 1999. Aux moiteurs alcooliques, je suis leur acolyte. Je bois plus que je dois. Dieu, qu'allez-vous faire de moi? L'alcool m'a pris au mot, juste pour un verre. Et j'aime les jeux de mots. Je n'y vois plus très clair. Je veux en boire de toutes les couleurs. Ma vie est aussi pâle que de l'eau minérale. Je veux en boire de toutes les couleurs. Ma vie est infernale, son parfum de scandale. Je hais l'eau minérale. Je hais l'eau minérale. Au garde à vous, des dilueurs je recevrai quelques 36 coups d'épée, les pensées sinueuses, le corps en alambic, sous la lune.

100% francês, Express ET. Pop. Elsa, Mon Amour. 2004. Que tu le veuilles, non, le temps efface. Que tu le veuilles, non, les années passent. Qu'on se le dise, non, le cœur est las. De gagner ses galons de première classe. Je m'en vais. Mon amour. Francês, Express ET. Pop. Marc Lavoine, Pour une Biguine avec toi. 1983. Je donne toutes les Cadillacs civils, tous les dîners chez Maxime, tous les 5 étoiles de la ville avec terrasse et piscine. Je donne ma relax, mon smoking et mes paires de boots sans lézard. Un Mister 20 et deux Boeing. Tout l'or, tout l'argent, tout l'ivoire. Pour une biguine avec toi. Envie d'une biguine avec toi. Pour une biguine avec toi. Envie d'une biguine avec toi. Je donne toutes les îles désertes et tous les palmiers sur la côte. Et la combinaison secrète pour ouvrir du coffre la porte. Je donne les villes à bord de mer et toutes les toiles de Picasso. Je donne à tort et à travers mon temps, ma vie et mon cerveau. Pour une biguine avec toi, envie d'une biguine avec toi. Pour une biguine avec toi, envie d'une biguine avec toi. Envie d'une biguine avec toi. Pour une biguine.

100% francês, Express ET. Pop. Jackie Quartz, Comme en rêve. 1990. Francês, Express ET. Pop. William Scheller, Tout ira bien. 2008. Bon.